Les mystères d'Adolphe, Anne Radcliffe, lu par Eric. La lumière du jour chassa de l'esprit d'Émilie les vapeurs de la superstition, mais non pas celle de la crainte. Elle se leva, et pour distraire son esprit de ses importantes idées, elle se força à s'occuper des objets extérieurs. Elle contempla de sa fenêtre les sauvages grandeurs qui s'offraient à sa vue, les montagnes qui s'entassaient les unes sur les autres et ne laissaient entrevoir que d'étroites vallées qu'ombrageaient d'épaisses forêts. Les vastes remparts du château, ses servitudes, ses bâtiments divers s'étendaient le long d'un roc escarpé au pied duquel un torrent jaillissait avec bruit, se précipitait sous de vieux sapins dans une gorge profonde. Un léger brouillard occupait le fond des vallées lointaines et se dissipait par degrés aux rayons du soleil, découvrait l'un après l'autre les arbres, les coteaux, les troupeaux et leurs conducteurs. C'était en contemplant ces admirables aspects qu'Émilie cherchait à se distraire, et ce ne fut pas sans succès. La fraîcheur du matin contribuait à la ranimer. Elle éleva ses pensées vers le ciel. Elle s'y sentait toujours plus disposée quand elle goûtait la sublimité de la nature et que son esprit recouvrait ses forces. Quand elle se retira de la fenêtre, ses yeux se tournèrent sur la porte qu'elle avait la nuit précédente assurée avec tant de soin. Elle se détermina à en examiner l'issue, mais en se rapprochant pour écarter les chaises, elle s'aperçut que déjà elle l'était un peu. Sa surprise ne peut s'imaginer quand, l'instant d'après, elle vit la porte toute fermée. Elle fut frappée comme si elle eût vu une apparition. La porte sur le corridor était fermée comme elle l'avait laissée, mais l'autre porte qu'on ne pouvait assujettir qu'à l'extérieur avait nécessairement été verrouillée pendant la nuit. Elle s'affecta sérieusement de l'idée de coucher encore dans une chambre où il était si facile de pénétrer, et si loin de tout genre de secours. Elle se décida à en faire part à Madame Montoni et à demander à changer de chambre. Après quelques difficultés, elle retrouva son chemin jusqu'au grand vestibule et à la salle du soir précédent, dans laquelle était servi le déjeuner. Sa tante était seule. Montoni était à parcourir les environs du château, à voir l'état des fortifications et à causer avec Carlo. Émilie remarqua que sa tante avait pleuré, et son cœur s'attendrit pour elle avec un sentiment qui se montra dans ses manières, encore plus que dans ses paroles. Elle évitait soigneusement de paraître s'apercevoir que sa tante fut malheureuse. Elle saisit le moment où Montoni était absent pour parler de la porte, demander un autre logement et s'informer des motifs du voyage. Sur le premier point, sa tante la renvoya à Montoni et refusa très positivement de s'en mêler. Sur le second, elle témoigna la plus entière ignorance. Dans le dessein de réconcilier Madame Montoni avec sa propre situation, Émilie se mit alors à louer la grandeur du château, le pays qui l'environnait, et s'efforça d'adoucir tout ce qui pouvait le rendre odieux. Si le malheur avait en quelque sorte rompu la dureté du caractère de Madame Montoni, et lui avait appris dans ses souffrances à compatir à celles des autres, le caprice, la domination que la nature avait mis dans son cœur n'en était point encore banni. Elle ne put se refuser au plaisir de tyranniser l'innocente et triste Émilie, en jetant du ridicule sur un goût qui n'était pas le sien. Son discours satirique fut néanmoins interrompu par l'arrivée de Montoni, et sa physionomie prit un mélange de ressentiment et de crainte. Montoni se mit à table, sans paraître s'apercevoir qu'il y eut quelqu'un autour de lui. Émilie, qui l'observait en silence, vit dans ses traits une expression plus sombre et plus sévère que de coutume. Le déjeuner se passa dans le silence, jusqu'au moment où Émilie risqua de demander un autre appartement et rapporta les motifs de sa demande. « Je n'ai pas le temps de m'arrêter à de pareilles misères, » dit Montoni. Cette chambre vous a été destinée, et vous devez vous en contenter. Il n'est pas vraisemblable que personne ait pris la peine d'aller monter un escalier pour l'intérêt de fermer une porte. si elle ne l'était pas quand vous entrâtes, le vent a fort bien pu faire glisser les verrous. Mais je ne sais pas pourquoi je m'occuperais d'une circonstance aussi frivole. » Une semblable explication ne pouvait nullement satisfaire Émilie. Elle avait remarqué que les verrous étaient fort rudes et conséquemment n'avaient pu facilement se mouvoir. Elle s'interdit cette représentation, mais elle redoubla sa demande. « Si vous voulez rester esclave de pareilles craintes, » dit Montoni avec sévérité, « abstenez-vous du moins d'en fatiguer les autres. Sachez vaincre toutes ces misères et travaillez à fortifier votre âme. Il n'y a de plus misérable existence que celle qu'empoisonne la frayeur. » En prononçant ces mots, il regarda fixement Madame Montoni. Elle rougit excessivement et garda toujours le silence. Émilie, offensée et fortement déconcertée, trouvait alors ses craintes trop naturelles pour mériter de tels sarcasmes. Mais s'apercevant que son chagrin ne l'empêcherait pas de les souffrir, elle fit effort pour s'en distraire. Quand Madame Montoni se fut retirée à sa toilette, Émilie tâcha de se distraire en examinant le grand château. Elle ouvrit une porte battante, et passant de la grande salle sur les remparts, qui, de trois côtés, bordaient les précipices. La quatrième face était gardée par les hautes murailles des cours, et par la voûte sous laquelle elle avait tourné la veille. La grandeur de ces larges remparts et le paysage varié qu'ils dominaient excitèrent son admiration. L'étendue des terrasses était telle que, présentant le pays sous autant d'aspects différents, elle offrait comme autant de vues nouvelles. Elle s'arrêtait souvent pour contempler la gothique magnificence de Dolph, son orgueilleuse irrégularité, ses hautes tours, ses fortifications, ses fenêtres étroites et enfoncées. Enfin, ces beffrois nombreux placés au coin de chaque tourelle. Elle s'appuya sur le mur de la terrasse et mesura de l'œil le gouffre effroyable d'un précipice, dont les noirs sommets des forêts dérobaient encore la profondeur. Partout où elle portait ses regards, c'étaient des pics de montagnes, des bois de sapins et d'étroits défilés qui s'enfonçaient dans les Apennins et disparaissait à la vue dans ces régions inaccessibles. Elle était dans cette situation quand elle vit Montoni accompagné de deux hommes qui gravissaient un sentier taillé dans le roc vif. Il s'arrêta sur une éminence, considérant le rempart, et s'adressant à sa suite, il s'exprima avec un air et des gestes fort énergiques. Émilie s'aperçut que l'un de ces hommes était Carlo, que l'autre avait le costume d'un paysan, et qu'à lui seul s'adressaient les ordres de Montoni. Elle se retira de la muraille et continua sa promenade. Tout à coup, elle entendit le bruit de plusieurs carrosses, bientôt le retentissement de la grosse cloche, et il lui vint à l'esprit que le comte Morano arrivait. Elle traversa rapidement les portes de la terrasse, prenant à la hâte le chemin de son appartement. À ce moment, plusieurs personnes entrèrent dans la salle par la porte opposée. Elle les vit à l'extrémité des arcades et recula sur le champ. Mais l'agitation de ses esprits, l'étendue de l'obscurité de la salle, l'avait empêchée de distinguer les étrangers. Toutes ses craintes n'avaient qu'un objet. Cet objet se présenta à elle. Elle crut qu'elle avait vu le comte Morano. Quand elle les vit hors de la salle, elle hasarda d'y rentrer et remonta chez elle sans rencontrer personne. Elle resta dans sa chambre, agitée de mille frayeurs et prêtant l'oreille au moindre bruit. Entendant, à la fin, des voix sur le rempart, elle courut à sa fenêtre et reconnut Montoni qui se promenait avec le signor Cavigni. Ils s'arrêtaient souvent, se regardaient l'un et l'autre, et leur conversation paraissait fort animée. De plusieurs personnes qu'elle avait remarquées dans la salle, elle ne voyait que le seul Cavigni. Ses alarmes s'augmentèrent bientôt en entendant marcher dans le corridor. Elle s'attendait à un message du comte. Annette parut. « Ah, mademoiselle, s'écria-t-elle, voilà le signor Cavigni arrivé. Que je suis donc contente de voir un visage chrétien dans cet endroit. Il est si bon. il a toujours pris d'intérêt à moi. Le signor Verezzi y est aussi. Et qui croiriez-vous bien encore, mademoiselle ? Je ne sais pas deviner, Annette, dites-moi. Devinez une fois, mademoiselle. Alors, dit Émilie, en essayant de se contenir, le comte Morano, je suppose. Sainte Vierge, s'écria Annette, vous vous trouvez mal, mademoiselle, vous allez vous évanouir, je vais aller vous chercher de l'eau. Émilie tomba sur sa chaise. Restez, Annette, dit-elle languissamment. Ne me laissez point, je vais me remettre. Ouvrez la fenêtre. Le comte, dites-vous, est-il en bas? Qui, moi, le comte? Non, mademoiselle, je n'en ai pas parlé. Il n'est pas ici, non, mademoiselle. En êtes-vous bien sûr? Dieu soit béni, reprit Annette. Vous êtes bien vite revenue. En vérité, je vous croyais mourante. Mais le comte, vous êtes bien sûr qu'il n'est pas là? Oh oui, bien sûr, mademoiselle, je regardais par une grille dans la tourelle du nord quand les voitures sont arrivées. Je ne m'attendais pas à une vue si désirée dans cette affreuse citadelle. C'est bon, Annette. Je me trouve déjà beaucoup mieux. Oui, mademoiselle, je vois cela. Oh, tous les domestiques vont mener joyeuse vie. Nous irons danser et chanter dans la petite salle, parce que là, monsieur ne pourra pas nous entendre. Et puis les drôles d'histoire. Ludovico est arrivé, mademoiselle. Ludovico est venu avec eux. Vous vous souvenez de Ludovico, mademoiselle? Non, dit Émilie, fatiguée de son bavardage. Quoi, mademoiselle, vous ne vous rappelez pas Ludovico? Celui qui manœuvrait la gondole du cavalier à la dernière régate et qui gagna le prix. Celui qui chantait de si jolis vers sur Roland, sur les morts et Charlemagne. Oui, c'était le nom. Et toujours sous ma jalousie, au portique d'Occident, au clair de lune à Venise. Oh, comme je l'écoutais. Je crains pour toi, ma bonne Annette, dit Émilie. Il me semble que ces vers ont emporté ton cœur. Mais laissez-moi vous conseiller. S'il est ainsi, de bien garder le secret, et surtout de ne pas lui laisser savoir. Ah, mademoiselle, comment peut-on garder un secret comme celui-là? À présent, Annette, je me trouve tout à fait remise, et vous pouvez me laisser. Oh, mais mademoiselle, j'ai oublié de vous demander comment vous aviez pu reposer dans cette vieille et affreuse chambre la nuit dernière, comme à l'ordinaire. Vous n'avez donc entendu aucun bruit? Aucun. Ni rien vu? Rien du tout. Cela est surprenant. Pas le moins du monde, mais vous, dites-moi, à quel propos de pareilles questions? Oh, mademoiselle, je ne voudrais pas vous le dire pour l'or du monde, ni tout ce que j'ai ouï raconter sur cette chambre, cela vous effraierait trop. Si c'est pour cela, vous m'avez déjà effrayé. Vous pouvez me dire tout ce que vous en savez, sans charger en rien votre conscience. Oh, Seigneur, on dit qu'il revient dans cette chambre, et cela depuis bien longtemps. S'il y revient, c'est un esprit qui sait bien fermer les verrous, dit Émilie en s'efforçant de sourire malgré ses craintes. J'ai laissé hier, au soir, cette porte ouverte, et ce matin je l'ai trouvée fermée. Annette devint pâle et ne dit mot. Avez-vous entendu dire que quelque domestique ait fermé cette porte ce matin avant que je me levasse? Non, mademoiselle, je vous jure qu'on ne me l'a pas dit. Mais je ne sais. Irai-je le demander, mademoiselle? Dit Annette en se précipitant du côté du corridor. Restez, Annette. J'ai d'autres questions à vous faire. Dites-moi ce que vous savez sur cette chambre et sur l'escalier qui est conduit. Je m'en vais tout de suite le demander, mademoiselle. Je suis bien sûr, d'ailleurs, que madame aura besoin de moi. Je ne peux pas rester, mademoiselle. Elle sortit aussitôt, sans attendre aucune réponse. Émilie, soulagée par la certitude que Morano n'était pas arrivé, ne put s'empêcher de sourire de la terreur superstitieuse qui, tout à coup, avait saisi Annette. Et, quoique par intervalle elle s'en trouvât elle-même frappée, elle souriait cependant à celle que lui manifestaient les autres. Montoni avait refusé à Émilie une autre chambre. Elle se détermina à supporter avec résignation le mal qu'elle ne pouvait pas éviter. Elle s'efforça de rendre son habitation aussi commode qu'il lui était possible. Elle rangea tous les livres, les délices de ses jours heureux et la conclusion de ses instants de mélancolie. Sa petite bibliothèque fut placée sur un grand coffre qui faisait partie de l'ameublement. Elle prépara ses crayons. Se trouvant assez tranquille pour songer à tracer l'esquisse du sublime point de vue que semblait encadrer sa fenêtre. Soudain, elle suspendit la jouissance de ce plaisir. Elle se rappela combien de fois elle avait entrepris un amusement de ce genre, et combien de fois de nouveaux malheurs imprévus l'avaient empêchée de s'y livrer. « Comment puis-je, se disait-elle, me laisser tromper par l'espoir? Le compte n'est pas arrivé, et cela me rendrait heureuse. » Hélas, que m'importe qu'il vienne aujourd'hui ou demain, il viendra enfin. Ce serait s'aveugler que d'en vouloir douter. Pour échapper à ces pénibles réflexions, elle essaya de se mettre à lire, mais son attention ne pouvait se fixer sur la page qui était sous ses yeux. Elle finit par jeter le livre et résolut de parcourir le château. Elle se rappelait l'étrange histoire de l'ancienne propriétaire. Ce souvenir réveilla en elle celui du tableau voilé. Elle résolut de le découvrir, en traversant toutes les pièces qui y conduisaient. Elle se sentit vivement troublée. Les rapports de ce tableau avec la dame du château, la conversation d'Annette, la circonstance du voile, le mystère qui enveloppait le tout, excitaient dans son âme un léger mouvement de terreur, mais de cette terreur qui s'empare de l'esprit, qui l'élève à de grandes idées, et par une sorte de magie à l'objet même qui nous la cause. Émilie marchait en tremblant. Elle s'arrêta un moment à la porte, avant de se résoudre à l'ouvrir. Elle s'avança vers le tableau qui paraissait d'une dimension extraordinaire et qui se trouvait dans un coin obscur de la chambre. Elle s'arrêta encore. Enfin, d'une main timide, elle leva le voile. Mais elle le laissa retomber. Ce n'était pas une peinture qu'elle avait vue, et avant de pouvoir quitter la chambre, elle s'évanouit sur le plancher. Quand elle eut recouvré ses sens, le souvenir de ce qu'elle avait vu l'en priva presque une seconde fois. Elle eut à peine la force de sortir de la chambre et de gagner la sienne. Quand elle y fut, elle n'eut pas le courage d'y rester seule. L'horreur dominait son esprit. Elle n'éprouvait ni le sentiment de ses maux passés, ni la crainte des maux futurs. Elle s'assit auprès de sa fenêtre, parce que de là, elle entendait des voix, quoiqu'elle éloignée, et qu'elle voyait passer du monde sur les terrasses. Montoni et Verezzi, bientôt après, passèrent sous les fenêtres. Ils causaient gaiement. Leurs voix lui rendirent un peu de vie. Les signors Bertolini et Cavini les rejoignirent sur la terrasse. Émilie, supposant alors que Madame Montoni se trouvait seule, sortit pour aller la trouver. La solitude de sa chambre, le voisinage du lieu où elle avait reçu un coup si accablant, suffisaient bien d'ailleurs pour l'agiter encore. Elle trouva sa tante à sa toilette et se préparant pour le dîner. La pâleur, la consternation d'Émilie alarmèrent jusqu'à Madame Montoni. Mais Émilie eut assez de force pour se taire sur un tel sujet, quoique ses lèvres, à tout moment, se trouvassent prêtes à le trahir. Elle resta dans l'appartement de sa tante jusqu'à l'heure où l'on descendit pour dîner. Elle y trouva les étrangers. Ils avaient un air d'occupation qui ne leur était pas ordinaire et semblait trop rempli d'un intérêt majeur pour faire quelque attention à Émilie ou à Madame Montoni elle-même. Ils parlèrent peu, Montoni encore moins. Émilie frémit en le voyant. L'horreur de la chambre s'offrit à elle plusieurs fois. Elle changea de couleur et craignit que la souffrance ne découvrît son émotion et ne l'obligeât à sortir. Mais l'empire qu'elle prit sur elle-même surmonta la faiblesse de sa constitution. Elle s'efforça de se mêler de la conversation, et même de paraître gaie. Montoni paraissait évidemment réfléchir à quelques grandes opérations. Un esprit moins nerveux, un cœur plus susceptible, eussent sans doute été plus capables, mais la fermeté de sa contenance indiquait maintenant le développement et l'énergie de ses facultés. Le repas fut silencieux. La tristesse du château semblait influer sur la gaieté ordinaire de Cavigny, mais aux images de sa physionomie se mêlait alors une fierté que rarement on y distinguait. Le comte Morano ne fut pas nommé. La conversation roula toute sur la guerre qui, dans ce temps, déchirait l'Italie, sur la force des armées vénitiennes et le caractère des généraux. Après dîner, quand les domestiques furent partis, Émilie sut que le cavalier sur lequel Orsino avait assouvi sa vengeance était mort par suite de ses blessures, et qu'on cherchait avec soin le meurtrier. Cette nouvelle parut à l'armée Montoni, mais il dissimula promptement et s'informa où Orsino s'était caché. Tous ses hôtes, excepté Cavigny, ignoraient que Montoni eût à Venise favorisé sa fuite. Ils lui répondirent qu'Orsino s'était échappé la même nuit avec tant de précipitation et de secret, que même ses plus intimes amis n'en avaient rien appris. Montoni se blâma lui-même d'avoir fait une pareille question. Une seconde réflexion lui persuada qu'un homme aussi soupçonneux qu'Orsino ne pouvait confier à personne le mystère actuel de son asile. Il croyait cependant qu'il mettrait moins de réserve à son égard, et que bientôt, sans doute, il entendrait parler de lui. Émilie se retira avec Madame Montoni. Bientôt après qu'on eut ôté le couvert, elle laissa les cavaliers occupés de leur conseil secret. Déjà Montoni, par des signes expressifs, avait averti son épouse de s'éloigner. Elle passa au rempart et se promena en silence. Émilie ne l'interrompait pas. Son esprit était absorbé. Elle eut besoin de toute sa résolution pour s'empêcher d'en communiquer le terrible sujet à Madame Montoni. « Ne précipitons rien, disait-elle en elle-même, à quelques mots que je me trouve réservés. J'éviterai du moins d'avoir aucun reproche à me faire. Tandis qu'elle s'appuyait sur le parapet du rempart, elle vit, à peu de distance, quelques manœuvres examinant une brèche, et devant cette brèche, un amas de pierres qui semblait destiné à des réparations. Elle vit aussi un vieux canon qui paraissait être tombé de sa pièce. Madame Montoni s'arrêta pour parler à ses ouvriers et leur demander ce qu'ils allaient faire. « Réparer les fortifications, madame, » dit l'un d'eux. Elle fut surprise que Montoni pensait à ce travail, d'autant plus que jamais il n'avait parlé du château comme d'un lieu qu'il compta habiter longtemps. Elle avança vers une arcade élevée qui conduisait du rempart de l'est à celui du sud et qui, d'une part, joignant au château, supportait une petite tour d'observation qui commandait à toute la vallée. En approchant de cette arcade, elle vit de loin descendre des bois une longue troupe de chevaux et d'hommes qu'elle reconnut pour des soldats au seul éclat de leurs lances et de leurs autres armes, car la distance ne permettait pas de juger exactement leur couleur. Pendant qu'elle regardait, l'avant-garde sortit des bois, mais la file continuait de s'étendre jusqu'aux extrémités de la montagne. L'uniforme militaire se distingua dans les premiers rangs. Le commandant s'avançait à la tête et paraissait diriger les colonnes qui le suivaient. Il approchait de plus en plus du château.